T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, nous sommes le samedi 3 septembre, ah bah oui, qui dit septembre dit rentrée, bah oui, ça c'est un peu moins triste, c'est un peu moins gay, pardon, c'est un peu plus triste, émission de rentrée donc, et sous le soleil aujourd'hui, donc on va en profiter, je ne sais pas, vous êtes peut-être sur votre terrasse, en train de siroter qui sait un bon cocktail ou un café glacé ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes peut-être sur la route en train de rentrer à la maison, revenir de vacances. Vous êtes, peu importe où vous êtes, le fait est que vous êtes là et c'est ça qui compte. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 pour 90 minutes de découverte musicale, 90 minutes de musique indépendante, 90 minutes de musique alternative. On aura évidemment pas mal de bonnes choses à vous proposer aujourd'hui. Je vous donne 2-3 noms pour vous mettre l'eau à la bouche. On aura des nouveautés comme Delvox, on écoutera Echo Bloom, ce sera notre powerplay. Bah voilà, le mystère est déjà tombé. C'est fort, hein, après 2 minutes, vous savez déjà qui sera le powerplay aujourd'hui. Donc ce sera Echo Bloom. On écoutera Graham Perry, on écoutera les Catch of Sherman, on écoutera un extrait de nouvel album de Tony McLaughlin avec Marcus Klein. Et puis pour commencer, eh bien on va laisser la parole à Courtney Yasminet, bah vous la connaissez, on l'a déjà entendue, avec un morceau intitulé Misfits and Losers, et puis après cela donc ce sera le groupe Delvox avec Studebaker. I'm too sick. cheap, except when it's so inside out. If you got something to offer, hope I can get excited. Our connection is deep, if we can get it started. Who knows, you could be a true insider. Yeah. qui dit vacances dit voyage, et ici eh bien nous étions en voyage, on peut dire ça comme ça, avec le groupe Delvox, une nouveauté qui nous emmenait dans leur Studebaker. Pour ceux qui ne le savent pas, Studebaker c'est une marque de voiture américaine qui n'existe plus évidemment de nos jours, mais c'était toujours de très belles voitures. On poursuit en musique avec Green Heaven et The Great Sonoran, mais avant cela Papa Zatch, on connaît puisqu'on a déjà entendu le mois dernier, mais c'est toujours aussi bien. Papa Zatch avec Still Your Pain. From Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. Hi, my name is Matt from the band Yuka, and you are listening to Planet Indie. Nimit Negi, Nit Noiki, Motzla Tota. Sonoran cucarachas on the ground. I packed my knives, I packed my books, I was Texicali bound. Now you might think that I'd flip my lid and run the dookie tip. peculiar sound. Vaya con Dios, pendejo. Vaya con Dios, ya, ya. Vaya con Dios, pendejo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Now I work construction in Apache Junction. I watch the mountains glow. I hit the town and I tell the people I still like to put on a show. My old lady's lazy, but damn she's a daisy. Don't know what she's doing with me, but I know when she's gone I still have that song. I guess it's just my destiny. Vaya con Dios, pendejo. Vaya con Dios, ya, ya. Vaya con Dios, pendejo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Vaya con Dios, pendejo. Vaya con Dios, ya, ya. Vaya con Dios, pendejo. Ya, ya, ya, ya, ya. son. He used to hit a long ball home run. Now he's just laying down bombs. A hit's a hit, and a girl's a girl, and a song's a song. Voilà, donc à l'instant c'était le groupe Spice Woods 7 avec un morceau intitulé Uncle Dub, et avant cela les guitares de Green Heaven qui ont réveillé tous ceux qui faisaient encore la sieste avec The Great Sun Around. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, c'est Planète Indie comme chaque premier samedi du mois sur les ondes de RGL, sur les ondes, et pas seulement les ondes puisque vous pouvez nous écouter aussi par le câble de télédistribution ou via internet, donc vous n'avez aucune excuse où que vous soyez. 17h22 minutes, on va passer à la découverte de notre album Powerplay. Aujourd'hui, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, tout en début d'émission, le secret n'a pas été gardé bien longtemps. Aujourd'hui donc, à l'honneur, ce sera un groupe américain qui répond au doux nom de Echo Bloom. Le nom d'Echo Bloom qui d'ailleurs est un jeu de mots sur Echo Boom qui fait référence eh bien, aux enfants des baby boomers. La personne qui se trouve au centre et, de toute l'histoire et de tout le groupe, il s'appelle Kyle Evans, c'est lui qui a fondé le groupe. Il est originaire du sud des États-Unis et dans sa jeunesse, eh bien, il nous explique qu'il écoutait beaucoup de radio locale. Bah, ça, déjà pour ça, on peut déjà l'en féliciter, c'est déjà très bien. Et ce qui passait à l'époque, c'était du Molly Hatchet ou Lynyrd Skynyrd. Donc ça, c'est encore mieux. Tandis que eh bien, ses parents, eh bien, eux, ils écoutaient essentiellement du rock des années 60 et du surf rock, notamment les Beach Boys ou encore Jan and Dean. Donc c'était... il était bercé dans un univers assez éclectique. Bah, si on le voit positivement, c'est éclectique. Si on le voit de façon un peu moins positive, on va dire que ce sera chaotique. Donc, il écoutait pas mal de choses, mais il ne s'est décidé pour jouer d'un instrument qu'une fois entré à l'université, et c'était essentiellement à l'université, l'University of Florida, en Floride. Donc, toujours dans le sud. À l'époque, eh bien, il s'est intéressé énormément à la musique expérimentale ou électroacoustique. Cet album qui est à l'honneur aujourd'hui s'appelle Red. C'est un album extrait d'une trilogie basée sur les couleurs. Il y a un album qui s'appelle Blue, il y a le Red et le troisième. Ça y est, je suis un peu perdu dans mes notes. C'est une autre troisième couleur. Ce sera le vert, ce sera le green. Nous, c'est le Red qu'on met à l'honneur aujourd'hui. C'est un album orienté country rock, vous allez voir, on va en écouter un premier extrait et qui s'intitule Operator. On écoutera trois extraits aujourd'hui dans l'émission de cet album, donc eh bien, si vous aimez, n'hésitez pas et restez avec nous, c'est tout ce qu'on souhaite. Power play. Power play. Great. of the things we should bring. And we must not forget anything. Not the knife, spoon and fork, the potatoes, the pork. Here's a list of the things we should bring. There are 24 things on the list. I just pray that there's nothing I missed. Not the butter, the cheese, nor the one sack of peas. There are 24 things on our list. And here's the ration that we recommend. See below the sum you'll have to spend. Here's the list on which you can depend. Earrings, 10 barrels of beer, and some good Swedish leather for all kinds of weather. The list is as big as my fear. And here's the ration that we recommend. See below the sum you'll have to spend. Here's a list on which you can depend. We must not forget anything. Not the knife, spoon and fork, the potatoes, the pork. Not the pillow, the hat, two plates and a mat. Not the eight loaves of rye, not the words of goodbye. Here's a list of the things we should bring. Apparemment, ils sont tout à fait comme moi, ils font des listes, en tout cas, moi, c'est des to-do listes que je fais, eux, c'est des listes tout simplement. C'est le groupe West of Eden avec deux listes. Si vous êtes bien aux courses, peut-être que vous êtes en train de suivre la vôtre pour ne rien oublier. On poursuit en musique avec notre ami Graham Perry, toujours avec son album Jambon Gris. Au début, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit, bah, bof, oui, sans plus, mais à chaque écoute, c'est comme le bon vin. Is Bonifie, donc cette fois-ci on écoute le morceau Little Lolita et puis après une autre nouveauté avec Cats of Sherman, Spaced Out. Little Lolita, sweet little Senorita, little Lolita, quit your looking my way. You're stealing my thunder, seeking to take me under, making me wonder with these games that you play. But if we were living back in the Victorian era, you could be my sweet 17. If it were possible, nothing you say would be sweeter. But today they say it's quite the extreme. Down in the Garden of Eden, hanging out with the serpentine. Don't you force your fruit on me, little Lolita. Yeah. little Lolita, sweet little senorita, little Lolita, won't you leave me alone? I barely met ya, but I must never let ya. Gotta forget ya, cause I'm accident prone. But if we were living back in the Victorian era, you could be the Emperor's Queen. If it were possible, nothing you do could be sweeter. But today they say that's far too obscene. Down in the Garden of Eden, hanging out with the Serpentine, don't you force your fruit on me, little Lolita. Sparks. Hey, this is Mindel Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Ann Mercer, and you are listening to Planet Indie. Thank you. Voilà un bel exemple d'électropop avec les Road Wives et le morceau 10. Avant cela, une autre nouveauté, un groupe qu'on écoutait pour la première fois dans cette émission, les Cats of Charman avec Spaced Out. 17h42, nous sommes le samedi 3 septembre, voire peut-être le dimanche 4 si vous nous écoutez le dimanche, puisque nous sommes rediffusés aussi le dimanche, le lendemain de l'émission, aux mêmes heures. Donc je peux vous annoncer sans problème l'heure, normalement ça doit être la même. Il est donc, on est pile poil à la moitié de l'émission et on va donc retourner sur notre album Powerplay. Il s'agit de l'album rouge, le Red, du groupe Echo Bloom. On en était resté tout à l'heure dans la présentation, au moment où il avait rejoint l'université de Floride, et c'est à ce moment-là qu'il avait décidé, Kyle Evans, avait décidé donc, s'était décidé pour commencer à faire de la musique et à jouer d'un instrument. Et on avait dit qu'il était branché musique électroacoustique, voire même expérimentale. Après l'université, eh bien, il a redéménagé vers Washington DC, où il a commencé à écrire et à enregistrer. Enfin, il avait d'abord écrit quelques petites choses qui finalement, eh bien, il a réussi à les transformer en chansons. Et puis il a commencé à enregistrer des ébauches de ses chansons. Finalement, il a quand même réussi à enregistrer tout cela tout seul, mais il avait besoin d'un groupe pour jouer sur scène, donc il a formé un premier groupe qui s'appelait le groupe The Rosemont Family Reunion. Ils ont fait une tournée notamment sur la côte Est, se sont séparés et puis ils se sont finalement reformés sous le nom de Echo, et puis on arrivera après à Echo Bloom. Oui, allez, sur cet album, ils ont enregistré un premier album en 2008, un album qui s'appelait Jamboree. Ça a duré 4 jours. C'était en fait, les chansons étaient une suite d'études de caractère. Notamment, il y avait pas mal de personnages. Il y avait notamment une prostituée, un professeur d'anglais, un conducteur de camion. Donc c'était un peu les personnages qui hantaient cet album Jamboree. Il a donc enregistré cet album, il a joué le release show, comme on dit, donc le show pour présenter l'album. Et tout de suite après, il a redéménagé vers Los Angeles. Il en avait un peu marre de Washington DC. Donc vous allez voir que il a un peu la bougeotte, le gaillard, parce que vous verrez tout à l'heure la suite de l'histoire. Je vous propose de nous arrêter là pour cette deuxième partie. Je vous ai mis sur la page Facebook de Planet Indie la vidéo du morceau Living Charleston, qui est le premier single issu de cet album. On l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure, ce sera notre troisième extrait, mais pour l'heure, le second extrait. Je vous parlais qu'il avait la bougeotte, ça se répercute aussi dans ce titre des chansons, puisque on parlait du premier single qui s'appelait Leaving Charleston, donc partir de Charleston. Je ne sais pas si après Charleston il a été à Willingham, mais en tout cas Willingham, c'est le nom du morceau qu'on écoute tout à l'heure. Je vous rappelle le nom du groupe, c'est Echo Bloom. Et l'album, c'est l'album Red, issu d'une trilogie Red, Blue et Green. Power Play. Power Play. to the lashes from a rhino high boa. I'm here to tell the tale. I followed that bastard to the shores of Lake Albert. They cut out his heart, they put me in jail. After 39 days I bust out of that hole. They cheated on the hangman. From the Congo River Basin to the blue, blue Nile, erase the trail of death and mayhem. Surrender in the heart of darkness, bloody, disabled, disarmed, resurrection man. That's who I am, resurrection man. That's who I am. I'm a black-hearted villain on the opium trail. History follows my name. Blood flow down the Ganges as a butchered and maimed. On the highway from India, we loaded the ships on the banks of the Bengal. Legalized drug warlords fought the Chinese Empire. To his knees and mercenaries for the Queen. Surrender in the heart of darkness, bloody, disabled, disarmed, a resurrection man. That's who I am, resurrection man. That's who I am. Assassin, I'll die by the sword. Murder, mutiny, and mayhem. Under the cry, seeds burn and destroy. We are killers, liars, cheats, and madmen. I carry many flags, use any and all deception. A pirate and a privateer. The emissary of pity when you're down on your knees. I am a judge when you plead for mercy. Self-appointed despot, warrior messiah, wreaking havoc around the world. Resurrection man, that's who I am. Resurrection man, that's who I am. Ce morceau ne s'intitule pas Resurrection Man, il s'intitule Heart of Darkness. C'est extrait du tout nouvel album de Tony McLaughlin. Je vous en avais parlé tout en commençant cette émission. Un album qui s'intitule Jack et il est co-signé par Marlon Klein. Et puis un petit indice, ce sera peut-être notre powerplay au mois d'octobre parce que c'est un très bon album, il me plaît beaucoup et donc il est en balance avec un ou deux autres. Donc je vous en dis pas plus. Et d'ailleurs, en parlant de notre prochaine émission, eh bien, elle se tiendra le 1er octobre, puisque le premier samedi tombe le tout premier. On poursuit en musique avec Matt Roach et Black Noon Dawn, et puis Dave Inslee. I don't know how this story ends. Bah, moi non plus, je ne sais pas comment elle se termine. Upon me, I'll meet them, and the room begins to spin. good thing for us that time has no meaning, 'cause I don't know how this story ends. I don't know how this story ends. I don't know how this story ends. I hope I'll see you here again, but I don't know how this story ends. Resonate together. I feel your tender body next to mine. Dreams are intertwined with love and laughter. Float away and leave the world behind. I see you and I feel your eyes upon me. I meet them and the room begins to spin. Good thing for us that time has no meaning, 'cause I don't know how this story ends. I don't know how this story ends. I don't know how this story ends. I hope I'll see you here again, but I don't know how this story ends. This way, but I guess it's okay. Elle s'appelle Erin, Erin and the Project. Elle nous faisait plein de promesses. Le morceau s'appelle Promises. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Allez, je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on est déjà aux deux tiers de l'émission. La bonne, c'est qu'on est pile poil ou presque dans les temps pour écouter tout ce qui était prévu au programme de ce soir. Et la deuxième bonne, puisque une bonne nouvelle ne vient jamais seule, c'est qu'on va retourner sur notre powerplay. L'album rouge, le Red de Echo Bloom. On va terminer la présentation. Donc, on avait parlé de l'album Jamboree qui était sorti en 2008 et les trois chansons qu'il préférait à l'époque sur cet album, c'était The Prostitute, The English Teacher and The Businessman. Alors, c'est toujours notre ami Kyle Evans, il a décidé d'écrire un disque entier autour de chacun de ces trois personnages et le fait est que ces trois disques auraient tous les trois un genre différent. Il avait pensé à différentes saisons, à différents pays, et puis finalement il s'est décidé pour différentes couleurs. Il y a eu l'album Blue qui est sorti, qui était un album plus orienté folk, l'album de Rouge, le Red, que l'on découvre aujourd'hui, qui est un album plus country rock, et puis il y aura l'album Green, qui sera un album un peu plus classique pop. Quand il a commencé à écrire, eh bien, l'album Bleu, ça prenait forme, mais il n'était pas encore complètement satisfait de ce qu'il faisait, donc il a décidé de consacrer tout son temps et toute son énergie à la réalisation de cet album. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, puisque c'est un gaillard qui aime bien voyager, qui a des fourmis dans les jambes? Eh bien, il a encore déménagé une fois de plus, et cette fois-ci, il a traversé l'océan Atlantique et il s'est rendu à Berlin. Pour lui, eh bien, Berlin, c'était l'endroit idéal pour bien se concentrer sur l'écriture, puisqu'il ne connaissait personne, il ne connaissait pas l'allemand, il ne connaissait pas le langage, donc il n'avait pas beaucoup de distractions. Tout ce qu'il faisait, eh bien, il passait son temps soit en enfourchant sa bicyclette et en allant se promener dans les rues, ou alors, eh bien, il se retrouvait dans des vieilles bibliothèques et il se concentrait à son écriture, ce qui fait, eh bien, qu'en quelques mois, il avait tout ce qu'il fallait pour ses trois albums. Je vous ai mis sur la page Facebook de Planet Indie la vidéo du morceau Living Charleston. C'est le premier single extrait de cet album. C'est le morceau aussi que l'on va écouter tout de suite, à l'instant, maintenant, extrait donc de l'album Red de Echo Bloom. Notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, on écoute Living Charleston. Powerplay. Powerplay. Try to do the best we can. We will ride waving from the sun. Up the cat and try to make her ends meet. We just spent some nights working on the street. We moved into a greyhound town. Every tomorrow could be better if then. From Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Din Machine, and you're listening to Planet Indie. Sin palabras, un cielo sin estrellas, soy un voz sin ternura, un corazón desnudo, mi corazón está llorando, no hay nadie como tú, pero es demasiado tarde. Veré. Pero todavía mis ojos están abiertos cada mañana, buscando por ti día a día. Estoy buscando en el río, en el fondo de mi ser, en el pasaje de la vida, pero no te volveré a ver. Estoy muy sola cada noche, recordando su cara, pero es demasiado tarde, nunca más te veré. Pero todavía mi alma no llevaré mi cuerpo buscando por ti día a día. Estoy buscando en el río, en el fondo de mi ser, en el pasaje de la vida, pero no te volveré a ver. Estoy muy sola cada noche, recordando su cara, pero es demasiado tarde, nunca te veré. Pero todavía mi alma no llevaré mi cuerpo buscando por ti día a día. something better for you. So I stay up too late and early I wake before the birds sing. I'm singing now too. The hands on the clock move so slowly, and the night sky just makes me lonely. I stay up too late and early I wake before the sun turns the night sky blue. Dans les voix féminines en cette fin d'émission, puisqu'on a écouté après le Living Charleston d'Eco Bloom, Bianca de Leon, on peut dire ce qu'on veut de l'espagnol, moi en tout cas j'apprécie beaucoup, Buscando por ti, ça veut dire elle te cherche, Bianca de Leon, et à l'instant c'était Annie Keating avec un extrait de son nouvel album. Elle est assez productive aussi, puisque tous les ans ou tous les 6 mois, elle nous sort un album, Annie Keating avec Fool for You. Au niveau des concerts, le 21 septembre, c'est l'album, le EP release du groupe 0.5 à La Rocale, donc l'entrée est gratuite, n'hésitez pas. Le 23 septembre, c'est le spectacle Beyond Bollywood. Le 24 septembre, ce sera MHD. Le 29 septembre, vous aurez l'occasion d'écouter, d'applaudir Nickelback. Le 1er octobre, Bryan Adams. Et le 2 octobre, Moderate. Et puis, allez, on va poursuivre encore avec le 7 octobre, le Australian Pink Floyd Show, qui revient, eh bien, eux, comme tous les ans. Hein, ils reviennent faire leur partie de spectacle. Et puis, le 8, alors notez bien la date du 8, c'est un concert... Music for Good, c'est le meilleur de la scène luxembourgeoise qui se réunit pour faire un concert dont les bénéfices seront reversés. Si je ne m'abuse, ce sera à Médecins Sans Frontières. Voilà, vous aurez l'occasion d'entendre des groupes comme La Relève, Edson, Sun to Tree ou encore Sun Glitters. Donc, ça se passe le 8 octobre au club de la Rocale. On poursuit avec une autre nouveauté, et ça, je suis très très heureux de vous la faire découvrir. Enfin, peut-être que vous connaissez, mais moi je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Elle s'appelle Sari Shore. Elle est blues rock, elle chante du blues rock. Et elle va nous interpréter le morceau Down the Reason. Si vous aimez, vous allez voir sur son site internet. Elle est en tournée pour le moment en Europe, enfin essentiellement en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, si vous êtes du côté d'Amsterdam, eh bien, elle est au Paradiso Amsterdam. Et puis sinon, elle sera essentiellement, comme je vous l'ai dit, donc pour tout le mois de septembre en Grande-Bretagne. Si vous voulez aller voir plus près, vous pouvez aller au Festival de Blues de Deux-Rivières. Ça se passe en Bretagne, donc en France. On l'écoute avec Damn the Reason. C'est Sari Shore et cet extrait de son album qui s'intitule, quant à lui, A Force of Nature. Blue eyes, long Voilà, désolé, on va la couper un peu sur la fin parce qu'on arrive tout doucement au bout de cette émission. On a encore un morceau à écouter, mais ne vous tracassez pas. Restez-nous fidèles, on va encore l'entendre et en entendre parler dans Planète Indie. Je vous rappelle son nom, elle s'appelle Sari Shore. Elle est en tournée pour l'instant en Grande-Bretagne et ce soir à Amsterdam, au Paradiso. Son album s'appelle Force of Nature. On va se quitter avec King King. Ils sont aussi dans la veine blues. Ils étaient venus au Blues Express il y a quelques semaines de cela. On va les écouter avec le morceau Crazy. Ça date avec ce morceau qu'on va se quitter. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de Planète Indie comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Cette émission est rediffusée demain sur cette même fréquence. Et moi, je vous retrouve donc le premier samedi du mois d'octobre. Ce sera le 1er octobre pour de nouvelles aventures et de découvertes musicales. D'ici là, eh bien, passez un bon week-end, une bonne fin de journée, un bon mois de septembre. Et je vous retrouve donc le 1er octobre. À bientôt. Et on se quitte donc avec le morceau Crazy de King King. Burning with desire. Inside my mind, it's only you. I'm burning up. You cool me down. It sets my soul. Just like a child.